Bienvenue à Radio Oloron. Dans le cadre d'un projet européen, nous donnons la parole aux femmes. Cette équipe s'appelle les Ni Hommes Ni Soumises et elle est composée uniquement de filles. Aujourd'hui, autour de la table, Mathilde, Camille et Lara. Dans le cadre du projet européen, une des premières étapes, c'était de rencontrer tout le monde, donc toutes les radios partenaires en Irlande. Donc on est parti à Dublin rencontrer donc nos partenaires pendant 3 jours. Bah donc du coup on a rencontré une des radios qui travaille avec nous, donc il y a la radio du Pays Basque espagnol qui parlait en basque, une radio d'Irlande du Nord, une radio d'Irlande du Sud. La République d'Irlande. La République d'Irlande, dirait Lara. On a pu voir le contraste entre les différentes radios et les différentes langues. Ça a été un petit dépaysement. Et donc on a passé 2 jours, donc à discuter sur comment chaque radio voyait le projet, comment chaque radio voulait faire son émission. Donc on a pas mal... On a pas mal découvert parce que nous, on n'est pas du tout parti sur la même longueur d'onde que les autres. Voilà. En fait. Et donc pour finir, on a tous travaillé ensemble pour faire une émission de radio le dernier jour sur le 8 mars, donc la Journée internationale de la femme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait chaque pays a pu exposer son point de vue sur la chaque radio donc de chaque pays a pu exposer son point de vue sur la journée et comment a été vécu dans chaque ce qui a symbolisé pour chaque pays. On a pu voir un décalage entre peut-être la France et l'Irlande principalement, je pense. Ouais. Et donc du coup, on a la chance d'avoir dans notre équipe Lara. Bonjour. Une jolie Irlandaise qui est avec nous en France pendant un petit moment, donc on a décidé d'en profiter pour faire une interview et pour qu'elle nous explique un petit peu, qu'elle nous donne son point de vue, sa vision des choses par rapport à la femme dans son pays. Direction l'Irlande avec les Flogging Molly, If I Ever Leave This World Alive. If I ever leave this world alive, well thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. If I world alive. If I ever leave this world alive, I'll take on all the sadness that I left behind. If I ever leave this world alive, the madness that you feel will soon subside. So in a word, don't shed a tear, I'll be here when it all gets weird. If I ever leave this world alive. I'm okay. c'était les Flogging Molly, le titre « If I Ever Leave This World Alive ». Je m'appelle Lara, j'ai 20 ans. Je suis ici en France pendant 8 mois pour travailler dans le lycée comme assistante de la langue anglaise. Donc, je fais quelques cours et je fais des photocopies. Plutôt de photocopies. ouais, voilà, je connais assez bien la France maintenant et je peux faire une comparaison avec l'Irlande, qui c'est mon pays d'origine. Quand on a été là-bas, on a discuté avec donc, les filles de la radio, on a échangé sur leur vie et sur la nôtre, et c'est vrai qu'on a été choqués par le fait que, bah, que vous avez pas le droit à l'avortement en Irlande. Non, c'est vrai, on n'avait pas le droit de l'avortement en Irlande, c'est pas de la loi. Et c'est le même en Irlande du Nord que dans la République d'Irlande. Et je sais qu'en France, c'est un droit de femme, mais c'est un droit qu'on doit lutter pour. On doit lutter pour ce droit en Irlande. Parce que c'est un peu difficile, parce que l'Irlande, c'est un très jeune pays. Et on n'a pas beaucoup de droits comme en France. Les femmes ont beaucoup, beaucoup de droits. Mais en Irlande, c'est une chose différente. Moi, personnellement, je n'ai pas une opinion très forte sur le débat, parce que je ne suis pas pour ni contre l'avortement. Mais je respecte le droit de choisir. Et je pense que chaque femme doit avoir le droit de choisir. Et ça, c'est important. On doit lutter pour les droits de femmes en Irlande, parce que c'est dommage que les femmes ne peuvent pas choisir. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'en Irlande, on n'ait toujours pas ce droit ? Est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a une pression autre que tu ne retrouves pas en France ? En Irlande, c'est vrai que, par exemple, la journée des femmes, le 8 mars, c'est une journée très, très importante en Irlande parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui veulent lutter pour les droits, qui veulent parler et qui veulent lutter contre le gouvernement et tout ça. Mais en France, les femmes ne font pas beaucoup de choses pour le droit, pour la journée internationale des femmes, parce qu'elles pensent qu'elles ont, assez des droits ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais c'est une chose vraiment différente entre les deux pays. Cette loi pour l'avortement, est-ce que ce ne serait pas refusé aussi, même inconsciemment peut-être, mais à cause de la religion protestante qui est peut-être très présente et du coup qui empêche les femmes d'avoir une place importante dans la société irlandaise? Oui, c'est vrai que la religion, c'est très très important en Irlande. Dans la République d'Irlande, c'est plutôt catholique. Et on sait tous que dans l'Église catholique, c'est interdit d'avoir un avortement. Et parce que beaucoup des hommes politiques sont catholiques, ça c'est une loi qui reste. Mais en Irlande du Nord, on est plutôt protestante. Et en Irlande du Nord, on a du gouvernement britannique. Et en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, les femmes ont droit de l'avortement, mais pas en Irlande du Nord. Et ça, c'est juste parce que l'Irlande du Nord, c'est lié avec la République d'Irlande, où il y a plutôt des catholiques. Donc, moi, je pense que l'Irlande du Nord doit être liée avec Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, les femmes ont beaucoup plus de droits, même quand dans la République de l'Irlande. Et je sais qu'il y a des filles dans la République d'Irlande et dans l'Irlande du Nord qui vont en Angleterre ou au Pays de Galles ou en Écosse sur le bateau pour obtenir un avortement, parce qu'elles ne peuvent pas le faire dans leur propre pays. Et ça c'est grave, ça. Et justement, tu parlais tout à l'heure des hommes politiques, mais quelle est la place de la femme dans la politique? Oui, il y a une place de la femme dans la politique, mais sur la télé, sur la radio, c'est surtout les hommes politiques. Et quand il y a une femme, c'est, selon moi, c'est beaucoup pour une image. que la partie politique veut que tout le monde le voit comme égal, les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, mais les femmes sont plutôt une image. Une image pour la partie et une image pour le pays, mais ça change un peu maintenant, mais c'est vraiment... Le gouvernement, c'est un jeu pour les hommes. Ouais, donc en fait, les préjugés, ils sont encore... parce qu'on dit qu'en France, les Français sont très machos et tout, mais en fait, par exemple, quand on voit la situation en Irlande, on dit que les préjugés, ils sont quand même vachement plus ancrés là-bas qu'en ouais. France. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent, mais c'est important de dire qu'on est en train de le changer, qu'il y a les femmes qui veulent être politiciens et tout ça. Mais ça prend un peu de temps. C'est un procès très, très lent. Lent? Ouais. C'est un procès très lent. Et ouais. Et au niveau de la... Nous, on parle beaucoup dans notre pays d'une certaine domination qu'il peut y avoir entre les hommes, enfin des hommes sur les femmes. Est-ce que le rapport homme-femme, est-ce que entre ce que tu as vu en France et ce qu'il y a en Irlande, est-ce que tu le perçois différemment? C'est pas trop différent. Les relations normales comme avec les jeunes hommes et les jeunes femmes et tout ça, c'est pas très différent qu'en Irlande. C'est plutôt avec l'image publique qu'on se voit la différence. Parce que maintenant, en Irlande, on a une population très jeune et les jeunes veulent avoir des droits, de l'égalité. Donc c'est presque le même relation qu'ici en France. Sauf qu'avec les bises. En France, on fait les bisous tout le temps. Et ça ne s'est pas fait en Irlande. Ça, c'est une chose très, très différente. Ouais. Vous êtes plus pudique. Enfin, c'est à cause de ça. C'est à cause de... Non, ça, c'est une relation plus proche avec les gens. C'est plus familière, c'est plus proche, c'est l'amitié et tout ça. Mais on n'a pas ce truc en Irlande. En Suède, ils sont tout le temps en train de se prendre dans leurs bras. Mais tout le temps. Ouais. Pour se dire bonjour, ils se font pas la bise, ils se prennent dans leurs bras. Et nous aussi, ça nous avait choqué un petit peu. Enfin, au premier abord, voilà, tu prends pas tout le monde dans tes bras. Et, ouais. Mais tu trouves ça appréciable ou pas? T'aimes ça? Oui, moi j'aime les bises. Oh, dans le premier mois, j'étais un peu choquée. Mais maintenant, moi j'aime beaucoup les bises parce que ça veut dire que c'est plus d'amitié, plus familière et tout ça. Et on ne trouve pas ça en Irlande. En Irlande, c'est très difficile de trouver les amis et les supérieurs et tout ça parce qu'on n'a pas une différence entre nos verbes avec le vous et le tu. Le vous et le tutoyer, on n'a pas sa différence et on n'a pas les bises. Donc, ouais. on est toujours un peu... Ah ouais, tu vois, ça c'est marrant, Ouais, moi non plus, mais... Et du coup, nous, ça me paraît tellement normal que... C'est que nous, on fait la bise ouais, tout le temps, ouais. Mais il y a des régions où ils en font 4, où ils en font 5. Ouais. C'est vrai. Pas avoir de bisous, on aime bien les bisous en France. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays, parce que je veux dire, par exemple, en Asie, c'est pareil, ils sont vachement... J'ai du moment, j'étais ouais. Par exemple au Cambodge, ils sont vachement respectueux, donc... Tu restes à distance. Après, s'ils sont super polis et tout, ils s'inclinent. Ouais. Mais ils vont jamais non plus. Ils sont super pudiques. Ouais. Donc, après, c'est aussi... pour nous, la bise, c'est vraiment une manière de montrer aussi qu'il n'y a pas de supériorité par rapport à l'autre. Disons que les personnes hiérarchiquement au-dessus de nous, genre voilà, les directeurs, les trucs comme ça... Même les profs, on va faire la bise aux profs. Au pire, on va leur serrer la main. Ouais. Voilà, serrer la main, mais directement serrer la main, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les deux. Il y a un rapport de force, presque, en fait. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas de... À part pour les garçons, non. Les garçons, ils se serrent la main. Ouais, mais vraiment, au niveau des filles, si un garçon te serre la main, un garçon de notre âge te serre la main, moi, je pense que je vais m'énerver parce que c'est vraiment qu'il ne se met pas du tout à ton niveau. Enfin, voilà, le fait de faire la bise, je sais pas, c'est... T'enlèves une barrière qu'il y a entre les gens et... Ah ouais, mais c'est peut-être débile à remarquer, mais quand on arrive le matin au lycée... Quand on est plusieurs, ouais. Les mecs, ils disent bonjour aux mecs parce que c'est facile, ils serrent la main, mais ils font pas la bise aux filles. Voilà. Et bon, ben, c'est clair qu'on est des classes à 35. Ben, tu fais 34 bisous. Et... Ben voilà, merde. Enfin, ça prend du temps, les bisous. Ça prend du temps. C'est sûr, mais bon, à la limite. C'est pour ça qu'on a 5 minutes avant l'entrée. En fait, c'est pour tous se dire bonjour. Mais au moins, voilà, on sait que généralement dans un groupe, ceux à qui tu fais pas la bise, c'est-à-dire que tu leur portes pas d'intérêt. Et déjà, ouais, non, mais c'est clair, soit que tu les connais pas, ou alors que tu les ignores. Ouais. Après, ça se perd un peu parce que, enfin, je sais pas, moi, je dis plus bonjour aux gens que je connais, quoi. Enfin, je dis bonjour, mais je fais plus la bise. Ah, parce moi que... aussi, tu vois. Pas tout le temps. Ah non, moi, non. Après, ça dépend, c'est clair que t'as 15 personnes devant toi, tu dis un salut général, tu souris. Mais moi, quand je vois les gens, je leur fais la bise. C'était une réflexion sur les bisous. Voilà, ouais, je sais pas si ça fait un thème. Donc, on va peut-être repartir sur le droit chemin. Si vous avez pas ces rapports-là, quel rapport vous avez entre vous? Qu'est-ce qui... Parce que tu disais, on ne sait pas comment trouver les gens qui sont nos amis et ceux qui sont supérieurs. Donc, je sais pas, qu'est-ce que... Dans la vie de tous les jours, juste dans votre comportement, qu'est-ce qui change qu'est-ce que tu... Avec ceux qui sont nos supérieurs, on est plus poli. On dit toujours « merci beaucoup » et « s'il vous plaît » et tout ça. Et avec nos amis, on ne dit pas... Des choses comme ça. C'est juste une conversation de base. On n'est pas poli. Oui, on n'est pas poli. Merci. Ouais. Mais donc, c'est difficile de trouver une différence entre la manière dont on parle avec nos amis et avec nos professeurs, par exemple. Il n'y a pas cette différence. Mais on se voit la différence quand on écrit quelque chose. On écrit un mail à, par exemple, moi j'écris des mails aux mes professeurs à l'université et je suis toujours très polie et j'utilise la langage plus poli. Mais ça, c'est juste avec l'écriture, c'est pas une chose qu'on fait tous les jours. Oui, oui. C'est vrai que nous, à l'oral, déjà on a le vous et le tu, c'est clair. Ouais, c'est clair que ça joue. Ouais. Mais de toute façon, après, même les jeunes entre vous, enfin, vous avez. Il y a pas ce problème, enfin ça a l'air d'être enfin je sais pas, d'après ce qu'on a vu en Irlande, enfin les jeunes ils sont comme nous en France, quoi. Ouais. Non, puis après ils sont quand même super chaleureux, je trouve, en... Ouais, c'est clair. Les gens viennent plus vers nous en Irlande. Non, c'est vrai. Ouais. Nous, quand on connaît pas, on observe. Ouais, fait un plan d'attaque et après on y va, quoi. Et c'est vrai qu'on nous a pas mal abordé en Irlande. Des étrangers, des Irlandais... des Français aussi. Bon, pas mal de Français. Ouais. Mais rien que quand on était dans le bar pour regarder le rugby, quoi. Enfin, les gens, ils sont vachement gentils. Ouais, c'est vrai que on est presque... On est les mêmes. On est les mêmes femmes et les mêmes hommes en France qu'en Irlande. Sauf qu'on a des petits trucs comme les bises et la langage qui c'est un peu différent, mais... on est sympathique dans tous les pays, je sais pas. Bah oui, après. Ah oui, il y a un sujet d'actualité en ce moment qui fait pas mal débat chez nous. C'est au niveau des salaires des femmes. Ah ouais. Alors est-ce que toi t'as noté qu'il y a une différence de salaire entre ceux des hommes et ceux des femmes? Oui, bien sûr. Ça existe en Irlande. Il y a la différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme. Pour le même travail. Par exemple, s'il y a un professeur qui est homme, il va gagner beaucoup plus d'argent qu'une femme qui fait exactement la même chose. Mais en Irlande, on est en train de lutter pour l'égalité dans ça. Donc, si on travaille pour le gouvernement, dans un bureau ou quelque chose, dans le gouvernement, dans la politique ou dans l'enseignement, c'est égal maintenant, mais il y a des autres professions où c'est un peu plus difficile de régler comme ça. Mm. Les professions qui ne sont pas trop strictes comme ça. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais maintenant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont le chef de l'entreprise, ça va changer parce que les femmes sont intelligentes et elles ne vont pas rester sans la juste salaire. Et je sais que c'est un problème en France aussi, mais je ne connais pas du tout l'histoire. Toujours en Irlande, maintenant un morceau de la fameuse Sinéad O'Connor intitulé Molly Malone. In Dublin's fair city, where the girls were so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels. So was her father and mother before, and they all wheeled their barrows through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She died of a fever, and no could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive. C'était Molly Malone de Sinéad O'Connor. Tu as dit qu'en France, on célébrait pas la journée de la femme comme vous, parce que nous, on avait assez de droits. Ouais. Tu trouves que... Non, c'est parce que les femmes pensaient qu'on avait assez ouais, de droits. Les femmes pensaient qu'on avait assez de droits. Donc du coup, tu trouves que nous, on s'est arrêtés dans notre lutte. T'as l'impression que nous, on s'est arrêtés et que pour l'instant, on se sent satisfaite de ce qu'on a ? Oui, j'ai l'impression que les femmes en France sont satisfaites avec leurs droits, mais si elles veulent quelque chose d'autre, si elles veulent, je sais pas, un droit de plus... plus d'égalité dans les salaires, par exemple, elles doivent lutter. Parce que je trouve que vraiment, le 8 mars, la journée internationale de la femme, c'était pas célébré. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai, ça c'est, ouais. C'est et c'était dommage parce que si les femmes veulent faire quelque chose, ça c'était le jour pour ouais. Être écoutées, pour... Ouais. Enfin, ouais, c'est vrai, ils tournent un peu plus contre... On le tourne un peu plus contre les femmes. En ben ouais, en fait, parce que c'est vrai que les femmes, je pense qu'il y a des femmes qui doivent se dire « Ouais, ben, très bien, de toute façon, qu'on dise quelque chose ou pas, ça sert à rien. Donc autant faire quelque chose. » Mais comme elle disait, la fille de la radio là, que c'était aberrant qu'on dise ça, parce que c'est vrai qu'en fait il y a des, il y a encore des inégalités, elles sont encore là, et il y a quand même des filles, il y a quand même des filles qui luttent, la preuve. Mais juste pour vous expliquer, en fait la radio du Pays Basque espagnol est une radio 100% féministe. Et ouais, ça a relevé un gros débat sur la journée de la femme, qui était totalement ahurie qu'on puisse dire que même peut-être que la journée de la femme nous desservait un peu. Et elle ça les a mis hors d'elle. Ah oui, c'est clair que... Parce que voilà, elle encore une fois, elles sont en lutte permanente. Ouais. Et elle trouve que c'est encore un symbole, un très grand symbole pour la femme. Et donc elle s'appuie beaucoup dessus. Et après, ouais, c'est normal, mais c'est juste que nous, on parle aussi de notre point de vue. On vit dans une petite ville. Nous, les inégalités, on les voit pas, on les ressent pas. Elle bosse avec des filles, avec des femmes immigrées. Ouais, voilà. Je veux dire, elles ont quand même un peu plus d'expérience que nous aussi. Donc forcément que pour nous, la journée du 8 mars, c'est pas important. Et pour les femmes françaises en général, je trouve que il y a peu de gens pour qui ça représente quelque chose, parce que ça fait des années que... Disons que c'est même pas que ça représente rien, c'est que ça a perdu son sens. Au fil du temps, ça a totalement perdu sa valeur. Je pense qu'on a encore des luttes. On lutte encore. Il y a encore des choses qu'on doit guérir. Et s'arrêter sans lutter, ça voudrait dire qu'on fait pas honneur aussi à toutes les luttes qui ont été faites avant et dont on est très fiers aujourd'hui. Mais dans la société, la journée de la femme, c'est plus une journée de lutte. Je pense que c'est juste une journée où on met l'accent sur la femme. Mais l'accent sur la femme pour des journées de maquillage et pas pour ce que ça devrait être. Non, ça c'est clair. Ouais, je comprends le fait que s'il y a une journée des femmes, est-ce qu'il y a 364 journées des hommes? C'est ce qui ressort, du coup, ça veut juste dire, tiens, les femmes, elles ont une journée pour elles, ça y est, encore un caprice des féministes. Et du coup, les garçons nous enfoncent plutôt qu'autre chose. Et puis la blague sur vous avez une journée et tout le reste de l'année, c'est la journée de l'homme. Putain, mais on l'a entendu. On l'a entendu un milliard de fois, quoi. Donc c'est vrai que. Ouais, donc au final, on n'a même plus envie de vivre cette journée comme on devrait. Parce que on attire l'attention sur nous, on nous pointe du doigt en disant en attendant qu'on fasse quelque chose. Ouais, on a même plus envie de dire en fait. Nous on a envie de lutter pour les droits des filles parce que c'est pas has-been en France, mais t'es mal vu quoi. C'est une honte. C'est presque une honte d'être féministe. En fait, pour se faire entendre, les quelques mouvements féministes qui persistent en France, c'est les filles qui sont obligées de se mettre seins nus en plein Paris quoi. C'est devenu ça apporte une trop mauvaise image maintenant le féministe. C'est important que le 8 mars c'est aussi une journée internationale de la femme, et on sait que dans beaucoup des pays les femmes n'ont pas du tout les droits. Ouais. Donc est-ce que ça c'est important de souligner ce fait dans la journée du 8 mars, même en France, pour que les autres gens puissent connaître la situation dans le reste du monde. La France parle des Français. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on nous mette devant les yeux ce qui se passe dans les autres pays. Et là, on serait fiers de ce qu'on a. Ouais. Et là, on lutterait pour avoir le reste. Parce que quand on voit, qu'on a de la chance, rien que tu vois, en 3 jours de radio, quand on a vu ce qu'il y avait autour, on se dit mais qu'on a une chance incroyable d'avoir ce qu'on a. Il y en a qui, en 2013, ils luttent encore pour le droit à l'avortement, quoi. Ouais, mais je trouve que même en Irlande, on lutte pour nos droits, pour les droits des femmes en Irlande, mais on sait que la situation, c'est beaucoup plus... C'est pire dans les autres pays. Donc, ça, c'est une similarité entre la France et l'Irlande, parce qu'on est... On veut lutter pour les droits des femmes françaises et irlandaises. Mais c'est une journée internationale, donc à mon avis, on doit lutter pour les droits des autres femmes autour du monde parce qu'elles n'ont rien et elles n'ont pas une voix pour lutter. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on devrait faire, en fait, la journée. Pour les pays développés comme nous, ça devrait juste servir à ça, à faire écho à la situation des femmes dans le reste du monde. Et je pense que ça ne servirait à... Mais disons que nous, on a le droit que tout le monde voudrait. C'est juste le droit à la parole, quoi. Et on en est quand même la preuve. Et nous, on est là pour ça. Ouais. Et prêter notre voix, parce que nous, on a le droit de parler, prêter notre voix aux autres pays qui ne l'ont pas. Bah déjà, ça devrait juste être l'objectif de cette journée. Parce qu'arrêter de parler de nous et parler un petit peu des autres autour. Voilà, mais ça ferait du bien et je pense que nous, ça nous aiderait à nous rendre compte que c'est vrai qu'on a un très bon statut, qu'on a de la chance d'être dans un pays comme le nôtre, mais qu'il y a encore, que par rapport à notre situation, on n'a pas le droit d'arrêter de lutter, mais même par respect par rapport aux autres, à toutes les autres femmes dans le monde qui se battent et pour toutes les femmes qui sont battues avant pour que nous, on ait ce droit-là, quoi. Comme quoi, faut sortir le nez un peu de chez nous, quoi. Et on a 17 ans. Oui. On a 17 ans, on est bien en train de parler de féminisme et qu'il faut refaire le remarque. On refait le monde, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, ben on va faire un truc de fou pour le 8 mars prochain. Ouais. Je pense que maintenant, on peut faire quelque chose pour les autres femmes. C'est pas toujours pour les femmes françaises, ouais, ni pour les femmes irlandaises. Mm. Ça doit être beaucoup plus international que ça, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense aussi. Tous les pays devraient partir sur ce principe-là. Ouais. Et puis les hommes devraient s'y mettre aussi. Pas nous accabler de leur blague misogyne. Et je pense aussi parce que je sais quand j'ai des amis en Italie, et pour le 8 mars en Italie, il y avait un groupe de, je ne sais qui, peut-être des hommes, je pense que c'était des hommes, qui ont fait des trucs comme des glaces et du chocolat gratuites pour les filles le 8 mars. Il y avait des mannequins, des hommes très beaux pour les filles le 8 mars. Et c'était une journée comme une fête, une très grande fête, mais c'était pas une lutte pour les droits, c'était un truc... C'est basé sur les stéréotypes déjà. Ouais, des stéréotypes et c'était pas très... Oui, voilà, c'est comme toutes les réductions qu'il y a dans les... Je sais pas, il y a des réductions pour aller se faire masser, pour des produits de beauté. Mais allô. Attends, mais à Nice, c'était une journée de maquillage, relooking, yoga. Ouais. Pour le 8 mars, Gérard. Et ça, c'est pas le but de la journée. C'est un journée de maquillage. Non, c'est pas le but, désolée. C'est voilà, les filles, elles sont bonnes qu'à se maquiller. Alors, bon, ou alors organiser un petit relooking, comme ça, elles sont contentes. Ça montre bien que le 8 mars, c'est fait pour ça et qu'en fait, ça veut strictement rien dire et que c'est une grosse mascarade, quoi. On a perdu totalement la valeur qu'elle avait avant. Et les femmes qui ont lutté doivent se retourner dans leur tombe, quoi. C'est clair. Et pour terminer l'émission et notre voyage en Irlande, Irish Celebration de Macklemore and Ryan Lewis. Leathered, weathered Irish skin, beard orange as the sunset of the flag. In the night sky we fly it, and pride for the life we fight to live. History I write with it, spit it with the dialect. And this is a celebration, of course, the green, white, orange. And when they pulled up on that shore, first generation born, toasted those that made it on a boat to New York. And when the English came, the colonizer came, they filled up bottles of gasoline, turned them into balls of flames, and hurled them to protect what's ours. I'll touch these lucky charms, a bunch of Irish screaming, fuck the London Guard. I'm kidding, not dissing London is bloody raw, but go against the Irish and get a bloody jaw. Preach non-violence, but remind us of the scars and the fires. So put a pint up, everybody sing a song. We put our glass to the sky and lift up and live tonight, cause you can't take it with ya. So raise a pint for the people that aren't with us and live tonight, cause you can't take it with ya. We put our glass to the sky and lift up and live tonight, cause you can't take it with ya. So raise a pint for the people that aren't with us and live tonight, cause you can't take it with ya. From New England to New Brunswick, Galway to Dublin, a rebellious nation of freckle-faced hustlers. Heart, blue-collared workers and family, my heritage, proud to be a Haggerty. Now, with whiskey in our veins, claiming we're the bravest men, I drank Old Crow, but pretended it was Jameson. Dad sipped to Guinness, I sipped Old English, till he sat me down at 16 and said, boy, this is what a beer is. I put down the drink, I couldn't drink like a gentleman. That doesn't mean I can't make a drinking song for the rest of them. Challenge us in football, yeah, we might lose, but don't put us next to a bar stool. We take the history, scripted in song, light the torch, then you pass it on. That's right, I said lineage through the rhythm. We script it from the palm and we give it till Ireland is on. Bottoms up. We put our glass to the sky and lift up and live tonight, cause you can't take it with ya. So raise a pipe for the people that aren't with us and live tonight, cause you can't take it with ya. We put our glass to the sky and lift up and live tonight, cause you can't take it with ya. So raise a pipe for the people that aren't with us and live tonight, cause you can't take it with ya. Let's go. Tonight, we're celebrating life. Those are all my Irish goons in the background. Put them up. Single. Snow. All the way from Ireland to the States. From Dublin to Boston. Grafton to Seattle. My whole Haggerty family. This one's for you. Let's go. Merci beaucoup Lara. Merci la fille. Cette interview et ce moment-là, il résume vraiment ce qu'on veut faire. Le but du projet, c'est vraiment de donner la parole à toutes les femmes qui ont quelque chose à dire, et donc pas forcément qu'aux femmes françaises, mais aux femmes de qui viennent d'univers différents, de pays différents, pour se rendre compte de la situation ailleurs et pour s'ouvrir l'esprit et pour se rendre compte que chaque femme a quelque chose à dire, voilà, quelque chose à partager avec nous. Apporter. Et nous, on est très heureux. On va quand même garder Lara, non? Oui, non, on va garder Lara avec nous. Juste pour l'accent, c'est trop mignon. Voilà. Donc voilà, donc, et peut-être s'il y a des femmes qui ont quelque chose à dire, et oui, qui ne savent pas où le dire. Les portes sont grandes ouvertes. Sachez qu'on attend que ça. Voilà.